Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Dialogue d'auteur. Je suis Dominique Montet, scénariste et animateur de l'émission. Dans ce nouveau numéro, deux événements. Le premier, j'ai eu la chance de discuter avec Virginie Braque, scénariste des Beaux Mecs, Engrenage saison 2, Paris, entre autres. Le deuxième événement, c'est que ce numéro a été enregistré en public au bar de la Maison des auteurs SACD, le tout dans un événement organisé par l'association de scénaristes émergents Séquence 7. On a passé un excellent moment, on a eu le droit à de très bonnes questions du public, bref, c'était parfait. Vous remarquerez peut-être que le son n'est pas toujours au top et je m'en excuse. C'est un peu le jeu avec les enregistrements publics, mais ce qu'on perd en technique, on le gagne clairement en ambiance. Dialogue d'auteur est un podcast enregistré à la Maison des auteurs SACD avec le partenariat de la Guilde des scénaristes et de la SACD, avec la complicité de Séquence 7. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur. Alors c'est vrai qu'on est tous là pour parler un petit peu d'écriture de scénario, mais moi j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière dans votre carrière, qui a commencé par l'écriture de romans. Comment vous êtes arrivé à l'écriture de romans en fait ? C'est par le biais des études ? Comment ça s'est passé exactement ? Pas du tout. Non, je ne vais pas me pencher, c'est affreux. Non, je suis arrivée à l'écriture du roman, j'allais dire naturellement, parce que c'est un besoin d'écrire qui est inscrit depuis l'enfance. Évidemment, ça fait partie de ce genre de maladie. Donc, j'ai écrit, en fait, avant d'être publié, avant que mon premier roman de policier, hein, c'est des petits polars, soit publié, j'en avais déjà écrit deux, hein, qui sont toujours restés dans les tiroirs, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc c'était un... Voilà, c'est une espèce de besoin d'écrire... Je faisais des études de psycho. D'accord. Que mes parents étaient très contents, ils pensaient que j'allais être psychologue. Et j'écrivais, donc j'avais aucun souci, je passais les examens, tout allait bien. Et puis en fait, évidemment, derrière, j'écrivais mes trucs. Et puis quand j'ai été publiée, j'étais en thèse et j'ai téléphoné à mes parents pour dire « Ah oui, j'ai écrit un roman policier, il est pris au fleuve noir ». J'avais 25 ans quand même, c'était pas mal. Et ma mère m'a dit « Mais quoi, tu vas pas écrire des polars minables toute ta vie ?» Bon, grosse douche, et du coup j'ai décidé que oui, j'allais écrire des polars minables toute ma vie. Et voilà. Et à partir de là, j'ai enquillé. Et au Seuil, j'ai publié un roman au Seuil, vers 27-28 ans, très mauvais. Et au Seuil, en fait, peut-être qu'il avait quelque chose à un moment, avec le recul, peut-être qu'au départ, s'ils sont intéressés à ce roman, il avait quelque chose, mais ils me l'ont fait travailler d'une façon, comment vous dire, j'ai pas reconnu mon truc, c'était à chier, quoi. C'était vraiment pas bien. Et j'avais honte de ce truc. Et évidemment, au Seuil, ils m'ont dit « Oh, vous avez une écriture cinématographique. Vous devriez écrire des scénarios. » D'accord. Voilà. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et c'était à quelle époque, ça ? C'est-à-dire, à quelle époque ? Comment dire, ces retours du Seuil qui vous... Bon, j'étais jeune, hein, je devais avoir 27-28 ans. D'accord. À ce moment-là, et j'en étais déjà à mon troisième ou quatrième roman. Et tout de suite après, vous avez tenté l'expérience du scénario ou c'est venu un peu plus tard ? Non, parce qu'en fait, l'écriture l'aventure du Seuil m'a cassé. Ouais. J'ai mis 2 ans à m'en remettre quand même, hein, de cette affaire. On en parle comme ça après et tout, mais sur le coup, c'est très dur. Et je vous en parle justement parce que vous êtes des auteurs. Vous ne laissez pas casser par des cons. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est vrai, mais j'ai cru que je réécrirais jamais. Ouais. J'ai bossé dans la pub parce que, évidemment, depuis le polar minable, je ne demandais plus d'argent à mes parents et je tirais vraiment le diable par la queue. Je faisais absolument tous les métiers possibles et imaginables, notamment les enquêtes dans la rue. Ah. Alors, j'ai beaucoup de tendresse pour tous les gens qui me demandent et tout ça. C'est un boulot de janitaire. Oui, parce que ça permet d'écrire à côté. Hein. Il faut, ouais. Voilà. Et puis j'étais hôtesse dans des salons. Enfin bon, bref, des choses que... Bon, c'est bien. C'est pas mal d'être passé par là. Ouais. Voilà, donc il faut pas... J'ai écrit des pubs. Et puis un jour, je regarde TF1 et je vois un de ces programmes de l'après-midi. Bon, vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu ça, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. Et je me dis non, là, non. C'est des petits polars, 3 personnages, un seul décor, une demi-heure. Ouais, d'accord. Non, mais c'est pas possible. Ça, je peux quand même le faire. C'était tellement niais, c'était pas possible. Et je m'y mets. Je me dis, bon, oui, je vois bien, ouais, ouais, le truc, ok, trois personnages, un lieu, ok, j'y vais. J'ai trouvé le truc, je l'envoie à la production par la poste, et ils me l'ont acheté. Bon, ils m'ont pas acheté les autres, hein. J'ai plein, ils m'en ont acheté un. Mais ça a suffi quand même. Là, je me suis dit, ah, ouais, ok, finalement, au seuil, ils avaient peut-être pas tort, voilà. Vous êtes parti de quelle référence pour écrire du scénario ? C'est venu comme ça, assez naturellement, d'écrire les actions, faire les dialogues ? Ah oui, j'oublie de dire que je passais mon temps au cinéma. Et, d'accord. Et c'était la grande époque de quand j'étais très jeune, quand je suis arrivée à Paris. Il y avait encore la Cinémathèque, la fameuse Cinémathèque qui était au Trocadéro. Et pour, je crois, 5 francs, on pouvait voir tous les films. Enfin bon, j'y passais mon temps, j'ai vu un nombre de trucs... J'arrivais de l'étranger et j'étais complètement sevrée de films et j'adorais les films. Donc, d'accord. En fait, j'ai intégré. J'avais. D'accord, c'était juste. Il n'y avait pas de lecture de livres références ou de. Bah, de lecture. Non, non. D'accord. Non, non. Lecture de scénario peut-être, non ? Même pas, pas parce tout. Que c'était pas tout, très facile parce que à obtenir. J'avais essayé de lire les scénarios d'Hitchcock et j'avais trouvé ça très chiant. Donc, est-ce que quelqu'un a aimé ici les scénarios d'Hitchcock ? Parce qu'on cite beaucoup le bouquin de Truffaut. Ah. Les films ou les scénarios c'est du coup, faut... ben, non, non, non, les films, j'avais oui. énormément aimé. Et du coup, j'avais lu les scénarios. Et franchement, je ne suis jamais arrivée au bout. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est pas des grands scénarios. Hein ? C'est pas là. C'est pas des films à scénarios. Ah ben voilà, mon ami. c'est totalement... Je sais pas. Là, je sais pas, mais c'est possible. Il connaît d'auteur, il réécrivait vraiment dans sa tête, dans son. Car il y avait vraiment une grosse valeur ajoutée. Voilà. Il n'est jamais satisfait du travail des scénaristes. Il le prenait comme base et après, il en met beaucoup plus loin. Voilà. Il le dit beaucoup dans le. Je ne sais pas quoi qu'il faut. Voilà. Il n'est jamais très satisfait, il travaillait beaucoup. Donc, en fait, effectivement, la base n'était pas très satisfaisante. Donc, c'était donc normal, voilà. Donc voilà, donc j'ai appris en regardant en fait. Et je suis encore aujourd'hui persuadée qu'on apprend en regardant. Pour moi, les écoles de cinéma, les écoles, ça va vous donner trois bases. Trois bases, trois conseils. C'est vrai que j'aurais été plus vite si je les avais peut-être eues, mais enfin, ça vaut pas chipette. C'est pas ça qui fait le truc. Donc en parallèle de l'écriture de romans que vous continuez à cette époque-là, vous travaillez sur des téléfilms. Oui. C'est quoi l'expérience sur les téléfilms ? C'est une bonne expérience ? C'est un peu amer ? C'est comment ça s'est passé ? Parce que c'est une forme un petit peu étrange. C'est pas vraiment un film. C'est pas une série non plus. Oui. C'est du coup, c'est un peu. Oui, il faut vous dire qu'à cette époque, la série n'existait pas. Enfin, si. C'est à cette époque que j'ai découvert Les Sopranos, donc ça existait, mais je l'ai découvert parce que j'avais un vidéoclub américain à côté de chez moi. D'accord. Et oui, bah, je faisais tout, quoi. Dès qu'on me proposait quelque chose, bah, je l'acceptais. Je crois que c'est pas mal de le faire au début, en se méfiant toujours, enfin, en se protégeant quand même. Et c'est pour nous tous la grande... Pour moi, vraiment, la voie étroite, c'est d'écouter les critiques, mais ne pas se laisser détruire. Alors, c'est toujours le... Voilà. Donc, j'ai eu des expériences catastrophiques, comme tout le monde. Et quand même, bon an, mal an, je suis arrivée à faire un ou deux téléfilms, mais j'écrivais quand même encore des polars. J'ai encore écrit une trilogie à ce moment-là parce que j'avais encore le temps, ce qui maintenant ne serait absolument plus pensable. On reviendra sur cette trilogie avec Vera Cabral, donc ouais. L'héroïne principale. Pendant cette période, avant 2000, vous avez travaillé sur un Maigret aussi. Comment on travaille ? Enfin, quelle expérience ? Alors ça, c'était vraiment pas mal. Parce que c'était pas une nouvelle de Maigret, c'était une page d'une nouvelle qu'il n'a jamais terminée, qu'il n'a jamais écrite. D'accord. Et en fait, a posteriori, je me demande si la productrice ne me l'a pas filée, connaissant, enfin, ayant remis toutes les pièces du puzzle avec mon expérience. J'étais totalement naïve, j'étais totalement, je débarquais, donc je j'imaginais pas ce que je sais maintenant. Et je pense qu'elle me l'a donné en pensant que je ne pourrais pas le faire. D'accord. Je n'y arriverais pas. Alors qu'en fait, bah, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose, ça m'a totalement libérée. C'était libérateur. Vous n'aviez pas signé mon nom derrière parce qu'il avait écrit une page et qu'il fallait en faire, vous voyez. Donc j'ai brodé. Et puis, j'avais quand même écrit déjà 6 ou 7 polars. Donc, j'étais pas complètement novice dans le polar, mais plutôt dans le scénario. J'ai fait mon truc tout doucement. Je l'ai fait. Voilà. Et comment ça se travaillait à l'époque? Ça allait. Il y avait une direction d'écriture, il y avait pas quoi? Pas du tout, ça se passait exactement comme maintenant. Je me suis très bien, c'est un monsieur absolument charmant, qui était le père de Caroline Lassa d'ailleurs. C'était vraiment un homme charmant, qui dirigeait mon écriture entre guillemets, en ce sens qu'il me donnait des conseils qui étaient très utiles. Il était très bienveillant, voilà. Le problème après, c'est que un réalisateur qui est pourtant talentueux s'est emparé de l'écriture, s'est emparé du scénario, et que moi j'ai été complètement écartée. Et au lieu de faire un truc que j'avais imaginé plutôt sur les plages belges, dans des teintes de gris, etc., ça s'est tourné au Portugal avec plein de couleurs et des trucs. Bon, c'est pas, mais ça fait rien. Voilà. Toujours contente du produit fini. C'était pas contente, c'était un peu déroutant. Voilà. D'accord. On vous connaît surtout pour avoir repris Engrenage en saison 2. C'est une expérience assez intéressante quand même parce que c'est pas votre série. Oui. Ça fait déjà un an qu'elle tourne. Vous êtes arrivé sur la deuxième saison. Je suis arrivée sur la deuxième saison, mais ça fait plus d'un an qu'elle tourne parce que quand j'arrive sur cette saison, ils ont déjà épuisé, sur la deuxième saison, ils ont déjà épuisé 2 ou 3 équipes d'auteurs et mon agent me dit n'y va pas. D'accord. Elle me dit j'ai plein d'auteurs qui se sont cassés les dents, ils sont odieux, ils savent pas ce qu'ils veulent, n'y va pas. Pourquoi vous y êtes allé alors? Le goût du défi. Ouais. J'y suis allée d'abord parce que j'avais beaucoup plus d'expérience, parce que j'avais fait pas mal de trucs historiques entre temps. On n'est pas passé de Maigret à Engrenage. Entre temps, j'avais fait pas mal de trucs historiques et j'étais en train de devenir madame historique. Et bon, autant vous êtes content de travailler, vous faites des trucs historiques, mais je suis pas madame historique. J'allais pas faire de l'historique toute ma vie. Donc c'était la première fois qu'on me proposait un truc, parce qu'en France, on vous proposera que ce que vous avez déjà fait. Vous allez voir, enfin vous avez sans doute déjà vu d'ailleurs. C'était un peu un challenge. La base écrite par Éric Béraud était absolument géniale, et c'était vraiment très fort, c'était vachement bien. Et on m'a dit, moi je voulais remonter, j'ai vu les acteurs, j'ai vu surtout le potentiel des actrices, des deux femmes, Audrey Fleureau et Caroline Proust. Et je me suis dit, la vache, elles sont vachement bien, il faut faire un duel, il faut faire deux femmes perdues dans un monde d'hommes. Donc à ce moment-là, j'ai proposé ça. Je pense qu'ils ont dit oui en pensant que j'y arriverais pas. Non, mais franchement, d'ailleurs, moi-même, je pensais que j'y arriverais pas. Et en fait, j'ai été très, très bien épaulée par un monsieur qui s'appelle Thierry de Pambourg, qui est un très, très, très bon directeur littéraire. Et Éric Béraud, évidemment, qui a été l'auteur d'Engrenage sur plusieurs engrenages. Donc, c'était quand même du solide, je n'étais vraiment pas toute seule. Comment ça fonctionnait justement l'écriture d'Engrenage? Et puis entre temps, j'avais vu plein de séries. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Parce qu'entre temps, alors là, je m'étais fadée tout, quoi. Et à un rythme frénétique. Et donc, c'était. Je voulais qu'on fasse ça en France. Je me disais, mais c'est pas possible. On peut pas continuer à me demander des téléfilms has-been avec un rythme, une dramaturgie classique qui était has-been. Je me disais, c'est pas possible, il faut qu'on tente le coup. Et puis à cette époque-là, Canal paraissait être vraiment les seuls à comprendre ce qui se passait. Donc il y avait une espèce d'enthousiasme. Enfin, il y a eu une petite fenêtre, qui s'est refermée très vite, mais il y a eu une petite fenêtre. Justement, donc vous aviez regardé la première saison d'Engrenage. C'était quoi votre retour sur la première saison, en fait? D'abord, en dehors des deux comédiennes. D'abord des bons acteurs. Ouais. Un feeling, une noirceur avec une élégance, quelque chose. Et une dramaturgie pas assez serrée pour moi. D'accord. Je me suis dit, là où on peut améliorer, c'est au scénario. Et voilà. Et justement, ce qui est assez marrant avec la deuxième saison d'Engrenage, c'est qu'on a l'impression d'assister à un deuxième pilote. Vous venez un petit peu, quelque part, pas forcément contredire, mais rediriger ce qui s'est fait en saison 1 pour aller vraiment dans un endroit différent. Comment vous avez abordé ça? Comme si vous repartiez de zéro, en fait, ou, Oui. D'accord. Alors ça, c'était... J'avais demandé ça, parce que j'avais demandé... Ils avaient laissé quand même passer 2 ans, à force d'épuiser des auteurs. Ils avaient laissé passer 2 ans. Et moi, je leur ai dit que, vraiment, les spectateurs en auraient plus rien à foutre de ce qui s'était passé dans la saison 1. C'était pas la peine d'essayer de raccrocher des wagons. C'était trop tard. Ils en sont convenus. En fait, je crois qu'ils voulaient juste voir, lire. J'aurais pu dire n'importe quoi. Et ils voulaient juste se dire, ouais, bon, bah vas-y, montre. Du coup, vous avez... Et donc, moi, ça m'a libéré. Je fais oui, j'imagine. Je n'ai pas essayé de raccrocher. Par exemple, je ne croyais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était un truc débile. À l'histoire d'amour entre le procureur incarné par Fitoussi et Caroline Proust. Ouais. Dans la vie, on voit bien que ça ne va pas coller. On peut imaginer qu'ils aient une nuit ensemble, mais ils vont se réveiller, ils vont revenir dans leur bon sens, ils vont se dire on n'a rien à faire ensemble. Donc 2 ans plus tard, ça ne sert à rien d'aller là-dedans. Il ne faut surtout pas y aller. Il faut admettre que c'était... Il faut le prendre plutôt comme un signe de la libération sexuelle de Caroline Proust. Et peut-être faire que lui, il aurait bien aimé, mais qu'il regrette. Parce qu'il a une tête un peu de coquère. Mais bon. Beau. Mais bon. Il y a eu un travail de recaractérisation des personnages, quand même ou pas vraiment. J'ai avancé dans l'intrigue et dans le rythme. D'accord. Pour moi, c'était intrigue, rythme. Sans... Non, les personnages, c'était d'instinct. Parce qu'en fait, ils sont déjà beaucoup là dans la première saison. Oui. Donc, il suffit de ramener les deux femmes au centre de l'intrigue et de les faire présentes et de s'intéresser à elles. Et vous avez en fait ce qui était vraiment en germe. Et comment ça se passait au niveau travail tous les jours sur Engrenage? Il y a eu des réunions de travail avec d'autres scénaristes? Comment ça se passait? Pas du tout, j'étais toute seule. D'accord. Non, à l'époque, là, j'étais toute seule. Je faisais mon truc, j'appelais Thierry, on se voyait. Il me disait, il y a ça. Et c'est ça où c'est important d'avoir un bon interlocuteur en qui vous avez confiance. Je voyais Eric, je voyais Thierry. Il disait non. Alors, Eric, c'était les procédures, parce que moi, je connaissais pas de flic, j'étais complètement novice, et dans Engrenage, il faut que c'est vraiment un niveau de réalisme, puisque eux, leur référence, c'était The Wire, et moi, The Wire, je sais pas pourquoi, j'ai jamais accroché avec cette série. Je me suis emmerdée, mais j'ai pas pu. Et donc, à chaque fois, ils me citaient The Wire, vous voyez le truc, oui, je vais vous faire The Wire. Vachement, mais que je ne vais pas le faire, mais voilà. Et donc je prenais des notes très, très, très précises sur tous les points qui me reprochaient, et je travaillais ces points. J'essayais pas de me dire que j'étais plus maligne qu'eux. Je savais qu'ils avaient raison, en fait, instinctivement. Parce qu'en fait, ils aimaient bien mon travail. Quand vous avez dû connaître ça, quand vous travaillez avec des gens qui aiment bien votre travail... et qui critiquent votre travail, vous savez qu'en général, leurs critiques sont justes. Parce qu'ils aiment bien. Des gens qui n'aiment pas votre travail, ils peuvent critiquer, ils n'aiment pas, de toute façon, donc ça ne sert à rien. Donc vous sentiez vraiment en confiance avec eux? Ah, totalement. Totalement. Ça doit être libérateur, toutes les ça questions aussi. De procédure, toutes les questions, des trucs qui étaient vachement durs, qui mettaient vraiment un carcan... non, ça, c'est pas possible, parce que non, c'est pas possible, il faut appeler le juge, il faut faire ça. Alors, à chaque fois, j'essayais de tirer parti de la contrainte. Mais je n'essayais pas de contourner la contrainte, certainement pas leur critique. Et c'était la même confiance avec la réalisation? Non. Parce que là, je peux pas dire non, mais c'est-à-dire que c'était vraiment, vraiment... Il y avait plusieurs problèmes. Je n'ai jamais, je crois même, parlé à un réalisateur. Donc, vous voyez, c'était un moment où il y avait une espèce de... Maintenant, j'espère que ça va mieux, mais c'était vraiment une... Il y avait une frontière, enfin, un mur. On prenait votre scénario, vos scénarios, on vous disait que c'était vachement bien, et salut la compagnie. C'est terminé. Plus rien à dire. Dépossédé, plus rien à dire. Non. Alors, non. Moi, je n'ai pas eu ça. Non. Parce que peut-être qu'avec mes bouquins, j'avais déjà l'habitude de voir, quand vous voyez un bouquin sur votre bouquin que vous avez écrit en rayon, bah c'est fini, quoi. Il vit sa vie, c'est terminé. Donc moi, je fais le deuil d'un scénario. Et je le fais même peut-être trop. D'accord. Tu vois, le truc, il est écrit, j'en peux plus, il me sort par les trous de nez. Eh ben allez-y, faites ce que vous voulez avec et advienne que pourra, quoi. C'est votre métier. Bon. J'ai appris qu'en fait, au fond, j'ai pas raison de faire ça. Mais c'est peut-être plus sain quelque part. En tout cas, c'est plus confortable. Oui. Parce que du coup, on peut immédiatement prendre un autre truc et se concentrer dessus. On s'en fout complètement de ce qui peut se passer. Engrenage saison 2, ça aurait pu être un massacre. Voilà. Bon, bof. C'était fait. Voilà. Pour moi, c'était fait. Mmh. Et en fait, non. Bah, ça a été de très bons réalisateurs et voilà. Derrière la saison 3, c'est Éric de Barahir qui s'en occupe. Oui, quand je dis Éric Béraud, c'est Éric de Barahir. Ouais. Oui. Ah, d'accord. J'ai oublié qu'il avait un... On lui dira pas, promis. Bon, on est entre nous, c'est pas grave. On est juste 200. Alors, c'est lui qui a repris la série après. Pourquoi vous n'avez pas donné... pourquoi vous n'avez pas suivi sur la saison 3 vous vouliez peut-être, je ne sais pas comment ça s'est passé. Non, pas du tout. C'est que j'étais déjà engagée pendant la saison 2. Sur un autre projet. Oui, j'ai le projet des beaux mecs qui a émergé. D'accord. Donc, j'étais déjà sur les beaux mecs. D'accord. Vous avez vu la saison 3 d'Engrenage ? Oui, je l'ai vue. Ouais. Je la revois en ce moment, d'ailleurs, parce que je travaille sur un projet où il y a un serial killer. Et, d'accord, ok. Et donc, en ce moment, j'essaye de revoir des trucs. Alors, on reviendra sur Engrenage, parce que vous êtes revenu dessus après. Mais oui. Justement, on va passer sur... sur les beaux mecs aussi. Mais j'aimerais parler Vous avez adapté... un de vos propres romans, en fait, ouais. Pour la télévision. Ça doit être un peu étrange comme expérience, je sais pas. Oui, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée ? Non. C'est pas une bonne idée à plusieurs titres. D'abord, on s'embête, parce qu'on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, on connaît la fin. On n'a pas grand-chose à ajouter, puisqu'on l'a écrite. Donc, c'est pas très marrant. Et puis, du fait qu'on l'a déjà écrite, on a tendance à ne pas s'en éloigner et on a tendance à rater l'adaptation. Voilà. Considérer alors que c'est moi, raté. J'ai tenté des trucs, en fait. Ça n'apparaît pas au résultat qui ne m'a pas plu. Mais j'ai tenté des choses qui se faisaient, que je voyais chez les Américains, et notamment des dialogues très très long, avec beaucoup de dialogues. Et en fait, les acteurs français ne sont pas capables de le faire. Ou s'ils sont capables, ils le cachent bien. Et j'aimerais qu'ils me le montrent, vraiment, parce que franchement, c'est des branleurs. Et je le dis haut et fort. Ensuite, il y a les réalisateurs français ne s'intéressent pas forcément à la partie dialogue. Ils n'aiment pas filmer les dialogues, en fait. Ils ne savent pas filmer les dialogues. Plus tard, je me suis aperçue que le grand chic en France, c'est de faire quasiment pas de dialogue. Et moi, je m'emmerde. Je peux vous dire, franchement, que les films où il n'y a pas de dialogue, je m'emmerde. Alors, et moi, j'aime bien quand les gens parlent. Donc, là, il y a quand même un gros souci. Et je pense que ma pauvre tentative d'adaptation d'un truc hyper dialogué a complètement échoué. Et j'ai pas aimé, et c'était de ma faute en partie. J'aurais pas dû écrire le truc parfait. J'aurais pas dû écrire le truc comme ça. Voilà. Donc je déconseille aux auteurs ici. Je conseille à tout le monde d'écrire des romans, d'ailleurs. Je peux vous dire, c'est un excellent. Mais je déconseille d'adapter son programme. C'est pas une bonne idée. Du coup, je rebondis un peu là-dessus. En quoi, justement, l'écriture du roman, vous êtes pour le scénario ? Est-ce que c'est un truc de structure ? Est-ce que c'est un truc de... pourquoi vous nous conseillez d'écrire des romans pour écrire un scénario ? En quoi ça aide ? En quoi ça nourrit ? Pour moi, l'écriture de série, c'est très, très, très romanesque. Vous voyez, on va beaucoup plus loin dans les personnages. On nourrit beaucoup plus. Il y a une espèce de souffle. Pour moi, le film, c'est une nouvelle. Et c'est ce que j'attends d'un film, et notamment d'un film de cinéma. Quand j'attends le coup de poing, j'attends la nouvelle, j'attends le truc qui va me scotcher, ce que je n'ai jamais. J'ai une espèce de sous-roman, sous-dramatisé. Et tandis que la série, pour moi, ça s'apparente au roman comme travail. Et vous voyez, au niveau de la recherche des personnages, faut y aller à la page 200, même si c'est un petit roman de 200 pages, hein, il faut écrire, il faut nourrir. On va parler un peu des beaux mecs. Donc, oui. Vous aviez Gilles Bagnier, qui était des réalisateurs sur Engrenage. Absolument. Quelque part, vous suit dans cette aventure-là. C'est quand même Gilles Bagnier qui a découvert cet acteur génial. Oui. Qui est, le nom m'échappe là tout de suite, mais qui est absolument génial, Reda Kateb. Hein, Reda Kateb apparaît pour la première fois dans un rôle important dans Engrenage saison 2. Oui. Et il est formidable. Il explose, il tient la série, lui aussi. Il y a Caroline Proust, il y a Audrey Fleurot et il y a Reda Kateb. Et ils font une série formidable ensemble. Avant de rentrer dans les beaux mecs, on va parler un petit peu de votre relation avec Gilles Bagnier. Comment ça se passe exactement ? Parce que vous n'avez pas fait qu'un seul projet avec lui. Au final, oui. Vous avez aussi fait Bien Paris sûr. Derrière. Bien Donc, sûr. Il doit y avoir une relation de confiance entre vous deux. Absolument, absolument. D'estime et d'estime, de respect. C'est un réalisateur avec qui on peut travailler, qui aime travailler avec les scénaristes quand même, qui est proche des scénaristes, qui s'intéresse au travail, il y a des réunions de travail. C'est pas le type qui va prendre votre scénario, jamais vous voir. Hein. Ça, bah, pas du tout. Au contraire, il vous appelle. Enfin, c'était vraiment, c'est quelqu'un de très très très agréable. Et maintenant, vous vous présentez avec lui dans des productions pour vendre des projets. Vous êtes quelque part, vous êtes un duo. Non, on peut pas travailler comme ça. Il travaille à l'étranger. Moi aussi, c'est pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes projets. D'accord. Lui, il voulait faire un long. Moi, je suis vraiment en série. L'économie des séries, c'est pas ça. Lui, maintenant, pour monter sur une série, il faut vraiment qu'il ait un défi, qu'il ait quelque chose à exprimer. Donc, c'est pas le même. Déjà, si je me souviens bien, à l'époque des Beaux Mecs, il disait que c'était vraiment le projet qui l'avait fait revenir parce que quelque oui. part, il voulait pas forcément refaire absolument, de la série. Absolument, absolument. Et là, il va sortir en janvier, il sort un long métrage. Un long métrage, oui. Je recommande d'ailleurs avec Reda Kateb, qui est un très bon. Comment c'est venu, Les Beaux Mecs ? Quelle était l'impulsion au départ ? C'était comme d'habitude, très souvent, hein, c'est des commandes. On s'approprie une commande. Hein. Une commande, tout le monde me dit « Ah, t'écris sur commande ?» Ouais. Pourquoi pas ? C'était... c'est gênant. Un producteur qui est venu me voir et qui me dit qu'il a une idée, c'est qu'il veut faire une rétrospective 50 ans de grand banditisme en France. Bon. Ambitieux. Moi, je veux bien 50 ans de grand banditisme en France. Et là, moi, j'étais toujours en train de regarder toutes les séries possibles et imaginables qui sortaient dans... je me dis, si on fait... Toujours le problème de l'historique. Je me dis, si on fait un truc chronologique, on va mourir d'ennui. Donc, je lui dis, moi, je veux bien, mais à condition qu'on déconstruise et qu'on mélange le présent et le passé. Voilà. Il me dit, oui, je présente mon petit projet. Et puis voilà, on est allé, on a avancé. Comme ça. D'accord. Et là, pareil, donc avec Gilles... en tant que total. Il était là dès le début du projet. Pas du tout. Non, ne croyez pas ça. L'économie des séries ne permet pas ça. Parce qu'un réalisateur, il ne sait jamais si, évidemment qu'on lui en a parlé, mais il ne sait jamais quand l'auteur va avoir terminé, quand la chaîne va bien vouloir donner le OK de production, quand il va pouvoir tourner. Il faut quand même, il faut manger, il faut travailler. Donc on est tous dans des économies où on a besoin de travailler. On ne vit pas de nos rentes. Donc c'est très difficile pour... Une série, c'est très long. Enfin, c'est quand même assez long à écrire. Moi, je mets un an quand même. Un an et demi. Quand je suis toute seule pour écrire 8 épisodes. Et donc, le réalisateur, il va bosser ailleurs. Est-ce qu'il va être libre? Bon, à partir du moment où il voit que ça y est, j'ai un rythme, la chaîne accepte, clac, clac, clac, on avance, on commence à entrer en production, on peut commencer à réserver les auteurs et on peut commencer à planifier. Et on peut réserver notamment les réalisateurs. Donc là, il a renoncé à d'autres choses pour le faire. C'était chaud. Et pour Paris, ça s'est généré comment, en fait? Paris, c'était toujours une idée de producteur. Ouais. Qui était le producteur d'Engrenage, Alain Clerc, je respecte beaucoup, qui me déjeune avec moi, qui me dit, j'ai vu un documentaire fantastique sur Berlin, 24 heures dans la vie de Berlin. Et c'était, je regarde, je rentre, je tape le truc sur le net, et je trouve 24 heures. Mais alors là, c'était un documentaire, différentes classes de la société, Berlin, heure par heure, avec différentes classes de la société. Des gens, je trouve ça vachement intéressant. Je dis, on pourrait faire ça... On pourrait faire ça dans Paris, mais simplement, on ne peut pas faire 24 heures, évidemment. Enfin, on pourrait, mais c'est impensable. Et moi, j'avais très, très envie de faire quelque chose sur le modèle de Shortcuts. Parce qu'en tant que scénariste, ce qui vous amuse, c'est de mélanger, c'est de faire des mélanges de passé, de présent, ou alors de faire des mélanges de destins qui se croisent. C'est embêtant de faire toujours la même chose, toujours les mêmes polars, les mêmes trucs... Donc, dès qu'on peut, on essaye de proposer des trucs différents. Quelquefois, ça marche, quelquefois, ça marche pas. On vous le prend, on vous le prend pas, mais enfin, il faut proposer. Donc, j'ai proposé ça. J'ai proposé de faire des destins qui se croisent sur 24 heures, une espèce de radiographie de la vie. Vous parlez souvent de déconstruction. Comment vous abordez le travail de la déconstruction? Parce que quand ça arrive fini, ça a l'air tout fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est d'abord vous l'abordez chronologiquement et après vous réinsérez ou comment on aborde la déconstruction? D'abord, ça dépend des projets. Ouais. Et sur Paris, par exemple, où là, c'est vraiment des choses qui s'entrecroisent. Sur Paris, oui, sur Paris, parce qu'il fallait nourrir en plus dramaturgiquement. Chaque destin de personnage, j'ai fait des tableaux. J'avais des grands tableaux dans mon bureau avec le premier épisode, deuxième épisode, les colonnes par personnage. Et il arrive ci, il arrive ça au feutre. Bon, évidemment, tout a changé tout le temps, mais au moins ça permettait quand même, quand j'abordais le truc, de me dire là j'ai un trou, là, il ne fait plus rien. Alors, en même temps, il faut doser. Il faut pas, tous les personnages n'apparaissent pas tout le temps en même temps. Effectivement, c'était un petit peu angoissant. Mais je fais ça beaucoup d'instinct. Mmh. Vous voyez ? D'accord. Et je pense que les scénaristes travaillent d'instinct. Non ? C'est quand même... on a beau essayer de théoriser tout ça... Au bout du compte, il faut écouter les critiques. C'est très important d'avoir des boussoles et d'écouter les critiques et d'en tenir compte. On dit, vous dites changer, il faut vraiment changer. Il ne faut pas faire semblant. Parce que si on fait semblant de changer, si on fait du cosmétique, on se retrouve dans la merde à l'épisode d'après ou l'épisode suivant. Et c'est très dommage. Et justement, c'est quoi vos méthodes de travail, en fait? À quoi ça ressemble une journée de travail type pour vous, d'écriture? C'est jamais pareil? Si, c'est tout le temps pareil. D'accord. C'est tout le temps. J'ai des horaires de fonctionnaire. C'est incroyable. Quelquefois, je me dis, mais quand même, libère-toi. Toi, fais quelque chose, quoi. Merde, profite. Sors à 2h de l'après-midi. À 9h, 8h30, 9h, je suis au boulot. D'accord. Parce que j'écris le matin. Ça, c'est incontournable. Si j'écris pas le matin, je ne peux pas m'y mettre l'après-midi. Je ne peux pas, c'est impossible. Je n'aurai pas une idée et je n'y arriverai pas. Donc je commence vraiment, vraiment, vraiment dernier cara à 9h. Et je suis chez moi, j'ai la montre et je flippe. Vraiment, si je n'ai pas mon plateau de thé prêt à 9h05, hein, comme si la Terre allait s'arrêter de tourner. Et voilà, donc après, je travaille jusqu'à vers midi, 1h, 2h, si vraiment, là, ça commence à fatiguer grave. Ouais. Et après, je fais un break et puis après, je fais soit les projets, soit les trucs un peu, les coups de fil, les trucs qu'il faut rendre, les trucs qu'il faut lire. Et pendant la période de 9h, midi, 14h, c'est de l'écriture vraiment intense. Ah oui, c'est de l'écriture. Ouais. D'accord, quel que soit le projet en fait. Oui. Bon, ouais, je vous dis ça, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Hein, vous savez ce que c'est. Histoire de faire peur à tout le monde, combien vous avez été en mesure d'écrire de pages, de scénarios? J'ai tout divisé avant. Ah, oui. Avant, tout est divisé. Je sais exactement combien de scènes je dois fournir par jour pour livrer à telle date. Je n'ai jamais rendu un truc en retard de ma vie. Il doit vous adorer. Ouais. Alors c'est pour ça que, par contre, quand on se mêle de me donner une contrainte de temps, déjà je m'en mets tellement moi-même que ça m'énerve. Ça, c'est le truc qui me plaît pas. C'est bon. Là déjà, je suis déjà tellement angoissée. M'en rajoute pas une louche. Parce que là, j'ai tout le projet tout de suite. Donc je divise tout. Je sais que pour un épisode, je dois fournir en général 45 séquences, sauf que précisément celui sur lequel je bosse, c'est plutôt 50 ou 55. Donc je sais combien de temps je vais arriver à le faire. Et je ne m'arrête pas, je fais entre 7 et 10 séquences par jour. D'accord. C'est en une matinée, donc. En une matinée, oui. Et enfin, c'est quoi, c'est... une matinée qui fait quand même 4 heures de boulot, quand même 4 heures c'est de quoi, boulot. C'est écriture dans la foulée, relecture, réécriture? Non, pas réécriture, pour ce prix-là, vous avez le premier G. Non, je fais. Et puis alors, c'est con, mais je trace, c'est-à-dire que vraiment, je sais que c'est nul. Oh, puis de temps en temps, je me dis, oh, juste une petite scène avec une phrase, tiens, tchac, ça m'en fait une de plus. Hop. Vraiment, c'est débile, c'est complètement débile de travailler comme ça, mais je travaille comme ça. Ça a l'air de marcher. Oui. Et puis alors après, y a la relecture, après-midi. Jamais le matin, relecture, toutes les corrections, après je reprends, là je quand même c'est un peu plus rapide, et puis je fais lire, et on me dit non, ça va pas, là il y a un ventre mou, je fais lire. Et c'est une méthode qui est venue tout de suite dès que vous avez commencé à écrire des romans, ou c'est quelque chose qui est venu, au bout d'un moment vous avez dit il faut que j'ai une routine comme ça? Non, je l'avais déjà comme ça, écrire le matin, je crois qu'on a... chacun son biorhythme. Ça, je pense pas qu'on puisse quelque chose contre ça. Si quelqu'un dans sa vie est arrivé à changer son biorhythme, qu'il me le dise. Vraiment. Parce que là, pour moi, je pense qu'on est capable d'écrire la nuit, pas capable d'écrire la nuit, capable d'écrire l'après-midi. Et c'est ça, je pense sincèrement qu'on n'y peut rien. Là... Alors après, on se dresse à écrire plus vite. J'écris beaucoup plus vite qu'à mes débuts, qu'il y a 20 ans. Maintenant, j'ai des trucs, il y a des trucs que je sais, que je vois. Je vois tout de suite les problèmes. Ah oui, je fais aussi la liste des coups de fil que je dois passer pour consulter, pour machin, tous les trucs. Vous savez, qu'on doit vérifier pour pas écrire des trucs complètement débiles, voir machin, téléphoner à machin, etc. Bon, tout ça, je fais ça l'après-midi. Et vous utilisez quel genre d'outils, en fait? Donc, vous parliez tout à l'heure de Tableau, de... des logiciels... Ça, c'était vraiment pour Paris, parce que ouais. C'était vraiment, vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué à écrire. Sinon, sinon, c'est Final Draft. À l'instinct et Final Draft, oui. Non, oui. Mais non, mais les étapes, elles vous aident. On part d'un synopsis. Oui, quand même. On vous achète. Voilà. On vous achète. Mais j'ai très longtemps, j'étais pas capable d'écrire des synopsis. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc, en fait, qui demande vachement de métier. Et on demande à des auteurs jeunes ou novices d'écrire des synopsis. Et je pense qu'on a tort. On ferait mieux de leur demander un traitement ou carrément un séquencier tout de suite. C'est pas la peine de perdre du temps avec des synopsis, parce que le synopsis demande en fait plus de métier que le séquencier. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce genre de truc. Moi, je sais que j'écris maintenant, je suis capable d'écrire des synopsis et que je n'étais pas capable de le faire. Et justement, ça a été quoi le déclic pour bien écrire un synopsis? Je pense que c'est le métier uniquement. L'expérience. Il n'y a pas eu de déclic. Ouais. C'était toujours une crucifixion. Hein. Vraiment le truc qui m'emmerdait. J'essayais, je négociais pour oublier. Je vous fais un séquencier pour le prix du synopsis, les gars. Vraiment, ne me demandez pas ça. Parce que quand on est... Surtout pour les auteurs de séries. Les auteurs de séries, c'est des auteurs au long cours. Alors, ça va être des auteurs de romans. Même si ils prennent la forme du scénario, c'est des coureurs de fond. C'est pas des sprinteurs. Eh bien, le synopsis, c'est pour le sprinteur. Donc, par définition, ils vont être mal à l'aise sur le synopsis. Et c'est ce qu'ils vont faire de moins bien. Et en fait, c'est là-dessus qu'on leur demande de décrocher un contrat. C'est absurde, ça ne met pas du tout en valeur leur qualité. Et quand vous proposiez pour le prix du synopsis, je te fais un séquencier, c'était quoi la réaction? C'était non, on veut un synopsis. C'était non, bien sûr que non. C'était en réalité, elle ne sait pas faire. Donc je vais aller voir un autre auteur et je perdais le job, c'était sûr. Ouais. C'était sûr. Et quel genre d'erreur on fait communément dans ce cas-là sur le synopsis? Ben, je sais pas, j'ai toujours pas compris. Non, franchement, j'ai toujours pas compris. C'est vachement dur. Un synopsis, c'est un peu comme la quatrième de couve d'un roman. Enfin, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir un très bon roman, une mauvaise quatrième de couve et l'inverse. Et moi, j'ai lu des synopsis géniaux et j'ai après eu des scénarios merdiques entre les mains. Ça voulait rien dire. Et je suis persuadée que l'inverse est plus souvent vrai. Parce que, au bout du compte, c'est pas le synopsis qu'il va y avoir sur l'écran. On m'aurait demandé un synopsis pour Engrenage saison 2, mais j'aurais jamais eu le job. C'était pas possible. C'était. Heureusement qu'il y avait l'excellent traitement d'Éric de Barahir, qu'ils étaient épuisés et que c'était leur dernière chance, et où on m'a laissé. En fait, j'ai écrit des petits synopsis par épisode, hyper coachés. Par Thierry de Pambour, qui vraiment me coachait, mais je dis pas qu'il a écrit le truc à ma place, mais en tout cas, quasiment, puis je partais du traitement d'Éric de Barry, donc c'était vraiment beaucoup plus facile pour moi, et puis après, je suis rentré dans les scénarios. Et le vrai métier, c'est quand même le scénario. Un vrai plaisir aussi. Et puis oui, c'est notre moyen d'expression, c'est pas le synopsis, personne ne s'est jamais exprimé dans les synopsis. Enfin bon, je sais pas, mais... Je crois que ça va rassurer plein de gens ici. Ça, en tout cas, quand même, je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais je trouve que les producteurs valorisent beaucoup moins le synopsis, ils ont dû beaucoup se faire avoir... Et ils ont dû dépenser beaucoup d'argent inutile sur des synopsis merdiques. Enfin, des synopsis qui n'ont abouti à rien. Des très beaux synopsis qui n'ont abouti à rien. Parce qu'ils en font beaucoup moins de... Moi, j'ai l'impression, ils valorisent beaucoup moins les synopsis. Ils demandent plus du dialoguer. Du plus... séquencier. Ouais. Du pilote. Mmh. Alors ça, c'est très bien. Ok, d'accord. Là, on cause. Hein ? Franchement... Ouais. On est d'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord ici. Voilà, pilote, traitement. Et puis on voit. C'est plutôt une bonne évolution. Il y a eu ensuite un retour sur Engrenage aussi, entre... Oui. Ouais. Comment ça s'est passé de revenir? C'était quoi, sur la quatrième saison, c'est ça? Alors ça, c'était... Oui, donc j'ai fait l'adaptation et les dialogues des 10 premiers épisodes de la quatrième saison, qui était déjà écrite par d'autres. Enfin bon, c'était une expérience de collaboration catastrophique. Non, mais on ne va pas non plus faire semblant, c'est ridicule. Bon, voilà, bon, mais c'était catastrophique. Si je me souviens bien, Alain Clerc l'expliquait, il voulait faire travailler deux équipes scénaristiques en parallèle. Oui, alors, une sur la saison 1, 4 et sur la 5. C'était 13 épisodes. Et en France, il y a très peu de séries de 13 épisodes. Oui. Donc ça, c'était quand même le challenge. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais... je crois que Canal a un peu rendu fou tout le monde. Il faut aussi... Voilà. Et puis c'est pas comme ça qu'on bosse. Et puis, en France, c'est pas des expériences faciles, les collaborations entre auteurs. Donc, après, j'en ai eu une très bonne, donc je suis capable de dire que j'ai eu une très bonne collaboration avec des auteurs sur Cannabis. Mmh. Mais Engrenage, non. 4, c'était triste. C'est ça que je trouvais, c'est que c'était triste. Il y avait une ambiance de merde et c'est très très très dommage. Vous regrettez d'y être retourné? Oh ben non, parce que moi je pense que la vie est faite de... Faut pas regretter. On apprend beaucoup de ses erreurs, hein. On apprend toujours. Donc non, j'ai beaucoup appris. Mais... c'était pas forcément une bonne idée. D'accord. En tout cas, il y a de quoi regretter que ça soit passé comme ça. Et pour... si on parle de collaboration entre auteurs, c'est vraiment... c'est dommage. Et justement, vous parliez de collaboration sur Cannabis. Comment ça s'est passé justement pour quelqu'un qui travaillait toujours plus ou moins seul? Ouais. Ouais. Comment on fait Là, si vous voulez, alors là, sur Cannabis, c'était vraiment très intéressant. Parce que je me retrouve face à un texte totalement baroque qui ressemblait beaucoup à la saison 2 d'Engrenage. Donc, a priori, j'aurais dû refuser parce que c'était plutôt... Mais qui était tellement baroque, tellement... étrange que c'était vachement intéressant. Voilà. Et puis, c'était d'abord une beaucoup plus petite, c'était que 6 épisodes. Mmh. Et quelque chose de très vivant. Et il y avait deux auteurs qui avaient énormément bossé dessus déjà. Donc, qui avaient fait quelque chose de vachement bien, mais ça se voyait pas que c'était vachement bien. Donc, la chaîne voulait arrêter. Parce que la chaîne ne voyait pas le potentiel, enfin, voyait le potentiel, mais pensait que les auteurs ne s'en sortiraient pas. Donc, en fait, on a repris le truc à trois, et on a beaucoup cravaché, parce qu'on a sorti les 6 épisodes en 6 mois, quand même. Il existait quoi quand vous êtes arrivé sur la série? Les textes étaient déjà écrits? Non. Il y avait quoi? Non. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, il y avait des séquenciers. D'accord. Mais la chaîne avait demandé... En fait, il y avait les séquenciers des Il fallait tout changer presque. Il fallait tout changer, mais en partant de ce qui existait déjà, qui était très solide. D'accord. Vous voyez, parce qu'il y avait un personnage bon, qui mourait, etc. Mais en fait, il fallait le remettre au début. Donc, il fallait quand même changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voire tout à partir du 5 et du 6. Mais en se servant de l'âme de cette histoire, de tout ce qui existait déjà... qui était quand même incroyablement original et jouissif, quoi, baroque, étrange. Donc voilà. Donc pour moi, j'étais dans un registre différent et c'était vachement intéressant. Et les auteurs étaient très sympas, on s'est très bien entendu. Et justement, dans le fonctionnement, ça se passait comment ? Et on a bossé, hein, pourtant on a bossé. Alors dans le fonctionnement, partant de quand même de choses qui existaient déjà, bon, on se mettait d'accord sur les changements, mais on se mettait d'accord entre nous. Pas de validation, de machin, de trucs compliqués qui vont tout ralentir. On se mettait d'accord entre nous. Moi, je partais sur un épisode. Eux deux, ils bossaient sur un épisode. On fonctionnait par soirée. Ce qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Je recommande la. On faisait notre premier jet. Pas de séquencier, on partait directement sur le dialoguer. D'accord. J'espère que je ne dis pas de conneries. Oui. Bon, je ne me souviens plus. Enfin bon, je crois que c'est ça. Oui, c'était ça. De dialoguer. En se servant des séquenciers existants, en essayant d'intégrer directement toutes les modifs qu'on avait demandé. Ensuite, paf, on se voyait entre nous, entre auteurs, et on se critiquait. Là, ça charclait. C'était vraiment... Non, comment vous dire, avec des gens sympas. C'était pas... C'était plus passionné que violent, quoi. Voilà, c'était passionné, c'était pas violent, non. C'était passionné, mais c'était... On s'estimait. Il y avait de l'estime, du respect... On prenait chacun les larmes, on faisait les changements. On se recritiquait. Quand on était content, quand on arrivait, et comme on s'écoutait, en fait, on progressait assez vite, et on allait vite. Quand on ne pouvait plus progresser entre nous, qu'on estimait que vraiment, on s'était dit tout ce qu'on avait à dire, on avait besoin d'un autre œil, on allait voir les productrices. Là, re-réunion, recritique. On repartait avec notre truc. Et en fait, quand on arrivait à la chaîne, il n'y avait plus de critiques. Ils étaient contents. Nous faisions 3 remarques et demie. Terminé. On passait aux épisodes suivants. Donc en fait, tout le boulot se faisait entre nous et avec la production. Ce qui devrait être le cas tout le temps. Le diffuseur, son job... c'est d'approuver quelque chose qu'on a fait pour lui, une robe sur mesure. S'il se met à essayer d'être couturier, forcément, c'est pas son boulot, et forcément, c'est pas une bonne idée. Donc là, donc les productrices étaient contentes, puisque Arte était content, donc elles avaient confiance dans notre méthode, et nous, on a continué à être aussi exigeants. Mais en même temps, en se passant des coups de fil, en se demandant « Attends, mais tu fais quoi sur ton épisode ?» En communiquant énormément. Voilà. Justement, comment... on l'a un tout petit peu abordé, mais je vais essayer de creuser un petit peu là-dessus. C'est comment on gère une demande de chaîne qui est complètement à côté de la plaque. C'est difficile. Oui, ça, j'imagine. Ah, ouais. Ça, malheureusement... je vais le faire. Sachant qu'on ne va pas le faire. Pas, d'accord. Hein. Donc il y a un côté. Bon. Moi, j'essaie de comprendre la demande derrière la demande. Voilà. Il faut se dire peut-être que cette personne formule mal quelque chose qui est un vrai problème. Je dois comprendre. Je ne peux pas sortir de cette pièce sans avoir compris. Je vais perdre mon travail. Je ne me mets pas la pression du tout. Bon, donc je dois comprendre ce que cette personne est en train de me dire. C'est complètement incohérent, c'est nul, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Donc j'essaye de reformuler. Vous voyez? J'essaye de rendre parce que, en général... ce sont des gens que j'ai croisés, moi, dans ma vie, intelligents. Et s'ils me disent quelque chose qui me paraît absurde, c'est que je ne comprends pas ou qu'ils l'expriment mal. Mais on doit arriver à une entente. On doit y arriver. En général, j'y arrive. D'accord. Oui, j'y arrive. Vous arrivez décoder ce qu'il vous a dit. Écoutez, franchement, si on n'y arrive vraiment pas, il faut s'en aller. D'accord. Oui. Il faut partir. C'est qu'il y a un problème qui vous dépasse. Moi, je trouve que si je comprends vraiment pas, honnêtement, sincèrement, les reproches qu'on me fait, c'est que je n'arriverai pas à comprendre la demande de ce qu'est quelqu'un qui est un client. Et si je comprends pas sa demande, comme c'est son pognon, il est le client, et ben c'est à moi de m'en aller. Voilà. Je suis désolée, je peux pas, je sais pas. Et puis ça arrive une fois, mais ça peut arriver deux fois, trois fois, et puis jamais s'arrêter pendant toute la, pendant tout le processus du projet. Et, Ben oui, c'est que je ne suis pas la bonne personne. Mm. Parce que je sais qu'il y a... Enfin, vous avez dû déjà avoir ça. On ne peut pas tout écrire. Il y a des choses, je ne peux pas les écrire. Alors, quelquefois, peut-être que je me suis engagée sur un projet, puis je m'aperçois que ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne suis pas capable de faire ce truc. C'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Et franchement, vous souffrez beaucoup moins, vous vous perdez beaucoup moins. D'ailleurs, je l'anticipe toujours financièrement. Toujours. J'anticipe toujours. Parce que, en fait, la sanction pour nous, elle est terrible parce qu'elle est financière. Ouais. C'est très grave. De laisser tomber un truc, c'est quand même pas facile. Donc, je l'anticipe toujours. Je commence jamais un projet en me disant « Ouais, putain, chouette, je vais gagner tant. » Tant que j'ai pas vu le diffuseur, que j'ai pas eu ma première réunion avec le diffuseur, que je sais que à peu près, ça y est, je comprends ce qu'il veut, je comprends, je suis capable de m'adapter, je peux... Ok, on est d'accord, on va faire le même... Je peux faire la robe qu'il commande. Hein, le produit qu'il commande, l'œuvre qu'il commande. Tant que je ne suis pas passée par là, je fais très très très très attention. J'accepte d'autres projets, je balise, hein, je balise. Parce que sinon je ne peux pas me tirer, et si je ne peux pas me tirer, je sais que je vais au casse-pied. Je sais. Quelquefois, on ne se comprend pas, on n'est pas d'accord intimement sur un projet, et ben voilà, ça existe. Quand vous recevez une commande donc, d'un producteur qui vous dit voilà, « j'aimerais faire quelque chose sur ça précisément » ou ouais, comme par exemple oui. sur Paris, par quoi est-ce que vous commencez ? Est-ce que vous commencez par les personnages et vous pensez à quel personnage vous pouvez intégrer dans cet univers ou dans ce concept ? Ou est-ce que vraiment vous vous dites « bon voilà, j'ai envie de raconter ça, telle thématique, telle chose » et après vous créez les personnages en fonction ? Je crois que je me dis « qu'est-ce que j'aimerais voir sur ce sujet ?» Alors, bon, quelquefois les producteurs arrivent avec des idées, vous avez dû avoir ça, qui ne résonnent pas du tout. Ça ne résonne pas, ça n'évoque rien. Et là, il faut dire, c'est pas pour moi, hein. faut pas y aller. Hein. Ça évoque rien, c'est pas votre truc. Ou alors, moi je sais qu'il y a des milieux, il y a des histoires sur lesquelles je ne dois pas aller. Je ne peux pas y aller, je serais capable de rien produire. Donc, mais de temps en temps, un producteur vous dit, puis vous rentrez chez vous, vous dites « Ah ouais, ah ouais, oui, ah ben tiens, j'aimerais bien... Ah oui, s'il y avait ça, sur l'écran, je verrais ça. Ah oui, puis j'aimerais bien qu'il y ait ça. » Et puis immédiatement, il y a évidemment toutes les références qui viennent de ce que vous avez vu dernièrement. « Ah ouais, tiens, ah ouais, ouais, mais je pourrais peut-être appliquer un bout de Ray Donovan avec un bout de Peaky Blinders, avec un bout de Rectify. » Et d'ailleurs, en France, on n'a jamais fait ça, mais si on faisait... Ça serait marrant de le mettre sur ce projet. Et du coup, on part en général des personnages, mais en les mettant dans des situations... C'est quand même les personnages, hein, pour les séries. C'est quand même les personnages. Mais en même temps, il y a des ambiances, des thématiques que vous avez vues ailleurs, que vous avez envie de traiter, que vous avez vues dans votre vie parce qu'elles vous obsèdent, parce que c'est des choses que vous vivez. Donc, vous dites, ah, tiens, je vais pouvoir coller ça là. Ouais, est-ce que si j'en parlais comme ça voilà. Mais il faut, c'est toujours, on est toujours dans l'instinct et dans l'intime. Et je pense que c'est très très important pour nous, auteurs, d'être en connexion et ne pas tricher avec son moi intime. Voilà. Il est ce qu'il est, on a notre histoire personnelle, on a notre instinct, il faut faire confiance, il faut... Et quelquefois c'est triste, il y a des histoires. Même si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous savez que vous, à partir de ça, par exemple moi, de par mon histoire personnelle, je connais absolument pas, mais absolument pas à un point que vous ne pouvez pas, même pas imaginer, ce qu'on dit des Français moyens. C'est-à-dire les Français qui ont des vies normales avec des gens normaux. Et, ben, en France, je n'ai pas vécu en France, en tout cas mon enfance, je n'ai pas les mêmes références qu'eux. je viens de plein d'autres horizons, et je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas écrire l'histoire, par exemple, d'un couple de professeurs dans un lycée de province. Je ne peux pas. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas ce que ces gens ont vécu. Ouais. Non, mais enfin, bon, vous voyez, c'est... Alors, une référence de normes, vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, vous savez, vous, en fonction vers quoi vous allez aller. Vous savez. Vous connaissez. Donc, même si vous faites de l'historique, vous allez aller vers un certain type de dramaturgie. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Par rapport un peu à ce que vous disiez sur les séquenciers, les synopsis, etc., à quel moment vous faites parler vos personnages ? À quel moment je fais parler ? Ouais. Après le séquencier, à la version dialoguée ? Jamais avant, même pour vous ? Non. Pour, Non. Jamais. Je ne m'autorise jamais une ligne de dialogue dans le séquencier. Tout est au style indirect. J'écris tout. Par contre, je mets le contenu du dialogue, parce que ça vous fait aller beaucoup plus vite après quand vous rédigez la scène, dans le séquencier. C'est-à-dire que c'est non seulement l'action, mais ce qu'ils vont se dire au style indirect. Donc c'est bien lourd, c'est bien chiant, mais au moins... Vous savez exactement où vous allez. Vous ne vous racontez pas d'histoire. Et le trou, vous allez le voir. Et la scène creuse, vous allez la voir. Vous allez la voir au séquencier. Vous allez la faire sauter tout de suite. Vous n'allez pas vous la trimballer et être obligé la dialoguer, puis vous apercevoir que vos dialogues, ils vont nulle part parce que cette scène est creuse et qu'elle ne sert à rien. Vous voyez ? Donc, ne vous faites pas de cadeaux dès le séquencier. Pour moi, le séquencier, que ce n'est pas un exercice agréable, hein. Il faut le faire. Il ne faut pas se faire de cadeaux à ce moment-là. Il faut être très, très strict sur son séquencier et l'utiliser au maximum. Ça fait accélérer au dialogue après. Parce qu'après, vous avez votre contenu de scène. Donc, même si vous n'êtes pas inspiré, vous avez mal dormi, vous avez des embrouilles, vous n'êtes pas en forme, eh bien, vous attaquez à 9h du matin, vous avez votre contenu de scène. Donc, vous commencez à dialoguer. Vous dialoguez. Bon, ben, votre dialogue, il n'est pas très bon parce que vous n'êtes pas en forme. C'est pas grave, vous le reprendrez plus tard. Vous avancez. Et vous terminez, forcément, vous avez fait vos 7 scènes. Puisque c'est déjà prêt. Non, j'ai adoré votre dernière remarque parce que pour la petite histoire, moi je suis la fille d'un prof de lycée de province. Hein, oui. Donc c'est rigolo que vous disiez ça. C'est tout un. Ouais. C'est un vrai milieu. Hein. Ouais, c'est un milieu, ouais. C'est une je vraie confirme, psychologie. Je confirme. C'est une vraie psychologie. Ouais. Hein, ouais. Il faut pas croire. Hein. Ouais, je confirme. Non, moi ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Ah, bah ouais. Non, moi ce qui m'intéressait, c'était comment vous analysez a posteriori vos deux collaborations avec des auteurs, celle qui s'est bien passée, celle qui s'est mal passée. Vous avez trouvé des raisons pour expliquer pourquoi l'une s'est mal passée et oui, l'autre bien ? Je pense que j'ai débarqué la fleur au fusil avec une naïveté qui m'épate moi-même dans une équipe où les gens allaient très mal. Les gens allaient mal. Individuellement, ce sont des bonnes personnes, mais ils allaient mal, ils étaient maltraités par Canal. Moi, je suis arrivée en dernier truc, en dernier recours pour faire l'adaptation, les dialogues, avec une grosse expérience d'engrenage, puisque j'avais fait la saison 2 quand même, donc on peut pas dire que j'étais novice. Donc, à la fois, je broutais dans leur prêt. Je sais pas exactement, mais ces gens n'allaient pas bien, c'est sûr. Ah ben ça s'est bien passé parce que on était presque au même niveau, sauf qu'ils avaient ils avaient bossé, ils avaient fait le truc. Moi j'étais admirative déjà de ce qu'ils faisaient, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée sur Engrenage saison 4 parce que je trouvais quand même que c'était pas bien. Ensuite, parce qu'il y a un rythme en grenage, c'est très particulier. Je le savais, parce que je l'avais déjà fait. Là, sur Cannabis, je n'avais jamais fait. Je découvrais un projet qui était très fort, et des auteurs qui, eux, étaient quand même sur le point de se faire virer par la chaîne, puisque la chaîne ne voulait pas continuer. Donc c'était, on était un peu, on était contents de se trouver. Donc c'était pas du tout la même ambiance. Et puis ils étaient jeunes, ils n'allaient pas très mal. Ils n'avaient pas été détruits par une équipe de l'équipe de Canal qui peut être. Enfin, moi je m'entends bien avec eux, mais ils peuvent être très durs ou très incompréhensibles. Ils étaient encore dans l'énergie sur Cannabis, ce qui n'était plus le cas des gens d'Engrenage, en fait. Absolument, ouais. Absolument. Ils y croyaient, ils avaient encore la pêche. Et même, voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui s'était passé avant moi. Je n'ai pas fait de la dynamique de groupe, de cette énorme équipe d'Engrenage 4, où on me sortait des auteurs de partout. Non, c'était un peu voué à l'échec. Bonsoir. Moi, je voudrais commencer par un compliment. Je suis pas un gros dévoreur de séries par peur d'être addict, en fait. Ah oui. Oui. Et non, mais c'est vrai, ce que. Il y a quelqu'un qui a peur du plaisir ici. Non, pas du tout. Non, c'est un problème de temps. Mais je dois avouer que depuis ce début de 21e siècle, je pense qu'il n'y a que trois séries à regarder. C'est 24 heures chrono, The Wire et Engrenage à partir de la saison 2. La première saison était une bonne série française et à partir de la saison 2, on est dans du top level américain. Ouais. Donc merci. Ah oui, j'ai tout fait pour essayer de faire du top level américain. Voilà. Vous avez parfaitement réussi. Je savais pas qu'il y avait plein d'équipes qui étaient parties au casse-pipe au départ. Ma question, elle est très simple. C'est est-ce que vous avez lu leurs travaux ou su non. vers où ils étaient allés? Pas du tout. Alors pourquoi? Pourquoi je l'ai pas lu? Ou su vers quoi ils allaient au moins? Parce non, que le lire, je comprends. Mais... Parce que la production n'a pas voulu me le montrer déjà. La production m'a dit voilà, ce qui compte. Ce qui a plu à Canal et sur quoi ils ont acheté la saison 2, c'est le texte d'Éric de Baraillé. Voilà. Les 8 premières pages de 40 pages. Donc, pour vous dire que, quand même, les 8 premières pages. Et en fait, moi, ça m'arrangeait beaucoup de ne pas lire ce qui avait été fait avant. Pour pas se polluer. C'est très gênant. Ouais. C'est très gênant de lire ce qu'ont fait les collègues. Si vous pouvez éviter de le faire, évitez. Hein. À moins de travailler avec eux pour faire avancer le texte. Alors ouais. Là, on est sur Cannabis. Et là, c'est autre chose. Parce que là, évidemment, je vais travailler avec eux. Mm-hmm. Donc évidemment, je lis ce qu'ils font. Je discute avec eux avant d'accepter le contrat. Déjà, pour voir si on est d'accord. Si il n'y a pas des trucs un peu bizarres, louches, qui sont en train de se passer. S'ils ont envie que je vienne. Là, je me suis vraiment assurée de ça. Voilà. Juste, on va le faire sur le micro. Pour revenir à cette collaboration, parce que je pense que ça va tous nous arriver de toute façon. Il ne marche pas le micro, hein. Non, c'est pour l'enregistrement. Ah, pardon. En fait. Mais on fait tous semblant, là. Voilà, c'est parce que ça fait chic d'avoir un micro. Ça fait chic. C'est normal. On vous a jamais demandé votre avis sur qui, avec qui vous aviez envie de travailler, par exemple, en scénariste. Avec qui j'ai envie de travailler, mais je connais personne. Comment? Je veux pas le croire. Non, mais je connais personne. Je pense que c'est parce que aussi vous faites beaucoup de commandes et c'est vrai que c'est plutôt quand on crée un projet nous et qu'on nous dit on va vous adjoindre un scénariste qu'on se dit avec quelle personne on a envie de travailler. Ouais. Quand vous êtes de l'autre côté de la barrière en fait, vous êtes à l'étape où vous arrivez sur des projets. C'est sûr que maintenant je dis d'ailleurs on me l'a demandé, je dis que j'ai envie de travailler avec les scénaristes de Cannabis, c'est sûr. Et j'espère qu'on va se retrouver, que je vais pouvoir les faire monter sur. Parce qu'on sait bosser ensemble. On sait bosser ensemble. C'est un gain de temps. C'est un confort terrible. Mais c'était un petit peu ça aussi sur Engrenage. Vous fonctionnez uniquement sur commande pour l'instant. Vous n'avez pas envie un jour de porter vraiment je un projet? Je ne fonctionne pas que sur commande. Hein. Mm-hmm. Non, non, non. Je, je porte des projets hein, qui échouent tous les uns après les autres. D'accord. Hein, là, je peux vous dire, c'est pas rassurant. Parce que... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors là, c'est pas... C'est... Bon. Non, non. Il y a des cimetières de projets. Mes projets sont dans le cimetière des projets. Des bons projets, d'ailleurs. Des trucs il est très rempli, ce cimetière-là. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Mais il faut lâcher. Hein, faut lâcher. Autant il faut se battre pour qu'un projet marche... Mais vous n'êtes pas votre projet. Si vraiment ça ne marche pas, ben on laisse tomber. On n'a qu'une vie, on continue. Il ne faut, faut pas trop être détruit par... Vous avez déjà recyclé des éléments d'un projet qui n'a pas été accepté dans une commande par la suite ? Des personnages, des arches peut-être ? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Non. D'accord. Non. Ok. Du coup, sur ces projets d'initiative personnelle, est-ce que vous avez pu déterminer des raisons pour lesquelles est-ce que c'est tout le temps le même genre de raison? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Je défends la cause des femmes et je trouve qu'on voit pas les femmes sur les écrans. Donc j'écris des projets avec des femmes, des héroïnes féminines. Eh ben personne n'en veut. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sexisme monstrueux dans la télévision. C'est monstrueux. Il n'y a pas moyen. Alors, on fait une femme entourée de cinq hommes. Alors, je fais pas ça. Moi, je fais des histoires de bonnes femmes. J'adore ça. J'adore les regarder. Je regrette qu'il n'y en ait pas. Ben voilà. En tout cas, je continue à proposer des projets et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen de caser un projet avec des femmes en France. Enfin, si quelqu'un y arrive... Ça sera peut-être un homme et ça sera atroce. Eh ben non, non, non, non, ça sera pas atroce, ça sera très bien. Non, non, non, non, non, non, non, vraiment, je... L'exemple de Marc Cherry avec Desperate Housewives aux États-Unis, ben oui. Par exemple. Eh ben oui, moi, je trouverais ça super. Non, non, vraiment, du moment que ça marche, tant mieux. Si ça fait, parce que ça fait sauter les verrous, parce que peut-être que oui, peut-être qu'il faut un scénariste homme pour arriver à imposer un projet de femme, parce que le sexisme, il sera là. Il sera que, ah oui, un scénariste homme, forcément, il parle bien des femmes. Ouais, bah oui, et bah pourquoi pas. Au moins, c'est un verrou qui saute. C'est un verrou qui saute. C'est déjà ça. Dans l'absolu, c'est un homme qui a fait Clara Scheller, par exemple, qui est une des séries les plus girly qu'on a eues à la télé française. Exactement, ouais. Et d'ailleurs la seule. Voilà, oui, oui. Et vous avez un peu parlé de projets internationaux, alors ça me rend curieux, je voudrais en savoir oui, plus. Oui, là, j'en fais beaucoup, là. Oui. Oui, j'en fais beaucoup. Voilà. Comment vous dire ? C'est des projets qui arrivent comment ? Enfin, qui... Un peu par hasard. J'ai travaillé sur un très beau projet qui, malheureusement, en tout cas, ne se fera pas en France maintenant, au bout de 2 ans, on le sait, qui était pour Canal, qui était un projet israélien. Où là, moi, j'étais minuscule auteur, mais vraiment un très, très beau projet. Sur Jérusalem, très puissant. Enfin, franchement, je me disais, alors là, moi, je vais aux émis avec ce truc-là. Hein, super contente. Et pourquoi ça quelle est la raison pour laquelle ça a quitté ? Canal en veut pas, finalement. Donc, il y a plusieurs. Comme c'est une coproduction internationale, et ça se fera sans Canal ailleurs. Et donc, sans moi. Mais c'est pas grave. Je suis restée très pote avec le scénariste israélien. Qui est ? Et qui est David Ackerman. D'accord. Et là, on développe, là, on vient de nous signer une option pour son dernier projet. Parce qu'il écrit des trucs, il vit en Israël, il écrit des trucs super noirs. Et donc, comme c'est complètement déprimant son truc, on m'a engagé pour que je l'adapte un petit peu à la France et que ça soit moins déprimant. Moins déprimant. D'accord. Ouais, ouais. Mais moi, je suis très contente d'avoir ce rôle-là avec lui parce que je trouve que c'est quelqu'un de talent. Et voilà. C'est par toujours contre, on travaille en anglais. Je ne parle pas hébreu. Il ne parle pas français. Donc, on travaille tous les deux en anglais, qui n'est pas notre langue, ni à l'un ni à l'autre. Ce que j'écris en français est traduit en anglais, envoyé à lui. Lui, ce qu'il écrit en hébreu, Et donc, lui, il intervient en hébreu sur mon texte en anglais. C'est traduit en anglais. Ça me revient. C'est quand même rock'n'roll. Hein. Alors, on se Skype en anglais. Évidemment. Voilà. C'est pas grave. Ah, c'est folklorique quand même. Oui, c'est folklorique. C'est pas très très simple. Voilà. Et surtout qu'en plus, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, Il vit à Tel Aviv, moi je vis en France, vous imaginez bien que les producteurs passent pas leur temps à nous payer des billets d'avion. Hein. Donc j'ai été deux fois à Tel Aviv, il est venu une fois en France, c'était la première fois de sa vie, moi c'était la première fois de ma vie, et puis c'est tout quoi. Voilà, le reste c'est Skype, c'est pas facile. Hein. Quel est sur les horaires spécifiques de la journée de travail. Oui, ouais, exactement, enfin bon, voilà. Mais c'est là, j'écris un truc pour les Anglais. Hein. Enfin, j'adapte une série anglaise. C'est à ce moment-là où vous vous rendez compte que quand la série sort, que les dialogues ne correspondent pas du tout à ce que vous avez écrit. Bah oui. Moi, c'est un risque que je prends en tant que scénariste. Si je voulais vraiment, je serais réalisatrice. Quand vous êtes scénariste, donc vous savez que vous prenez un risque. Le risque de l'interprétation de ce que vous avez écrit. Si vous écrivez notamment pour d'autres pays comme l'Angleterre ou Israël, il vous faut quand même connaître profondément non, la société anglaise ou israélienne, la non la, la société, la culture. Vous pensez que c'est nécessaire de... Pour Jérusalem, non, parce que David Ackerman était vraiment l'auteur principal. Moi, je travaillais sur le personnage de la flic française, et à travers la flic française, on arrivait à faire comprendre la situation israélienne au public d'Europe. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Mmh. C'est-à-dire que moi, si je comprenais pas, ma flic française, elle n'allait pas comprendre. Donc j'obligeais David à préciser sa pensée et à le transcrire dans les dialogues. Mais c'était lui qui écrivait. Là, j'adapte une série anglaise qui s'appelle The Fall pour TF1. Oh là, The Fall. Ah bah si. Non. Je vous garantis que je vais faire du bon boulot. Et pourquoi pas? S'il y a bien quelqu'un qui peut... Mais je vous garantis que j'y arrive. Vraiment. C'est une série qui est tellement bien écrite, qui est tellement... C'est assez génial. Et en fait, les gens de TF1 sont très ouverts, j'ai fait une charte avant d'accepter. Charte sur voilà, on fait ça. Et donc, en fait, je coupe un peu, c'est-à-dire je resserre un peu, parce que c'est quand même un peu long, un peu lent pour du mainstream. Il faut comprendre, il faut s'adapter aussi aux contraintes d'une chaîne mainstream. Et donc, voilà, je garde l'essentiel, on peut le dire, et je pense qu'on va faire un truc pas mal. Franchement, le texte est super fort. Les scénarios d'Alan Kubit, c'est vachement bien. Donc, et c'est pour du combien de fois 52, là, pour le coup, The Fall ? 10 fois 52. 10 parce qu'ils font les deux saisons en une. En une seule, d'accord, ok. Voilà. Ça doit être un sacré boulot de s'attaquer à ça. J'ai envoyé mes scénarios à Kubit et il est content. D'accord. Il est tellement content qu'il nous a invités à Belfast, le producteur. C'est une belle validation, Sur le tournage de la saison 3. D'accord. Et je pense que je vais absolument voir la saison 3. Ouais. Et pour arriver à intégrer des éléments intimes du personnage de la flic dès la saison 1. Voilà, d'accord. Pour ouvrir un peu... Et ça reste une saison 1 qui peut ouvrir sur une saison 2 Mais ou... c'est... Bah non, puisque... Vous allez... Ils le traitent... Ils font les 10 épisodes. Enfin, ouais. Donc je fais 10 épisodes en... Il y a 11 épisodes, puisqu'il y a une saison de 5 épisodes, une saison de 6 épisodes. Mm. Pour TF1, ça ne veut rien dire, 5 épisodes. Ça ne fait même pas deux soirées. Donc plutôt que de rajouter... moi, je ne voulais rien rajouter. Ils m'ont demandé. Ils ont dit, bah, est-ce que vous rajoutez un épisode? Comme ça, on fait 6 et 6. J'ai dit non. C'est impossible. Dans The Fall, c'est tellement bien construit, c'est impossible. Donc, par contre, je peux raccourcir. Je peux un peu... C'est vrai qu'il y a des moments où c'est longuet, où c'est un peu comme ça. Donc, ils ont commandé 10 épisodes. D'accord. Il y a un travail d'adaptation comme ça, comment ça s'aborde, surtout quand on est vraiment fan de la série vraiment, d'origine. Vraiment, ouais. Avec beaucoup de fierté, parce que je trouve que c'est vachement... Enfin, c'est vachement bien, quoi. Je suis fière de servir ce texte. Ouais. Je suis contente de servir ce texte. Avec un personnage féminin, justement, ouais. Hyper fascinant. Et, Exactement. Ouais. Donc, le personnage féminin me plaît énormément. Et j'ai envie de... C'est presque un dialogue secret. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré ses producteurs Mais c'est presque un espèce de dialogue intime avec Alain Cubitt. Attends, moi, la façon dont je vois ton héroïne, c'est ça. En France, par exemple, elle peut pas nager, aller à la piscine. Ça, pour les Français, ils vont croire qu'il va se passer quelque chose à la piscine, parce que c'est très très bizarre. On n'a pas, les Anglais vont beaucoup plus à la piscine que nous. Enfin, c'est, la piscine, c'est curieux, quoi. C'est pas curieux dans le bon sens, c'est curieux dans le mauvais sens. Donc, je supprime la piscine, mais je garde ce personnage très bizarre et très libre sexuellement, très, très froid. Et comme je connais maintenant, parce que j'ai fait engrenage, parce que j'ai été à la BRB, parce que j'ai. Maintenant, je connais plein de flics, j'ai quand même tout mon réseau engrenage. J'imagine ce personnage arrivant chez les flics que je connais en France. Ah, c'est curieux. Choc des cultures. Voilà, c'est un peu le choc des cultures. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de traiter. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Je vous recommande quand même d'apprendre l'anglais. Hein. Ça peut être utile. Tous, mettez-vous très très fort à l'anglais parce qu'il y a plein de boulots intéressants. Il y a plein de producteurs étrangers qui téléphonent, qui s'intéressent à ce qui se passe en France, qui veulent bosser avec des Français. Vraiment, bien parler anglais, c'est et être capable de. Moi, j'écris pas directement en anglais, mais c'est un plus, hein. Vraiment. Justement, en parlant d'anglais, est-ce que vous avez déjà travaillé avec les États-Unis ? Est-ce que vous avez envie de travailler avec les États-Unis ? Non. Je n'ai jamais travaillé avec les États-Unis et je n'ai pas envie de travailler avec eux parce que là, ils ne travaillent pas du tout comme nous. Et j'ai été les voir, j'ai été voir comment ils travaillaient. Mais ça n'a, pour moi, ça n'a aucun sens de travailler comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Et je trouve... Je m'intéresse beaucoup plus au mode de fonctionnement des auteurs européens qui travaillent en fait tous comme nous. Les Anglais travaillent comme nous. Les Danois travaillent complètement comme nous. Les Suédois aussi. J'ai participé à une série suédoise cet été. Ils travaillent comme nous. Donc moi, je me sens européenne. Je veux bosser. Mais alors, les Américains, avec le personnage traité par un auteur, la distribution, 10 auteurs autour d'un truc. Je ne comprends pas cette façon de travailler. Je n'ai pas tellement envie de m'y intéresser parce que finalement, ça marche pas mal pour moi ici. Alors, salut. Non, vraiment, là, je pense que ça doit bien marcher pour eux. Non. Voilà. Il faut s'y sentir à l'aise aussi, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Oui, non, mais je comprends pas. Je comprends même pas comment les auteurs peuvent être contents là-bas. Peut-être qu'ils le sont. En plus, ils ne gagnent pas tellement mieux leur vie que nous. J'ai appris que leurs conditions financières n'étaient pas extraordinaires. Ils rament. Ils font des bouts de trucs, sauf pour le showrunner qui est Dieu sur Terre. Bon. Je préfère le mode européen. Quelqu'un d'autre ? Non. Mais je vais vous remercier à tous d'être venus assister à cette abonnée. Je vous demande... C'est bien, vous le faites déjà. Merci beaucoup, Virginie. Merci d'être venu. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Ça fait plaisir.